Michée chapitre 3. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez maintenant, chef de Jacob, et vous, conducteur de la maison d'Israël, n'est-ce point à vous de connaître ce qui est juste? Il haïsse le bien, et aime le mal, il ravisse la peau de ses gencives de dessus eux, et leur chair de dessus leurs os. Et ce qu'ils mangent, c'est la chair de mon peuple, et ils ont écorché leur peau de dessus eux, et ont cassé leurs os, et les ont mis par pièces comme dans un pot, et comme de la chair dans une chaudière. Alors ils crieront à l'Éternel, mais il ne les exaucera point, et il cachera sa face d'eux en ce temps-là, selon qu'ils se sont mal conduits dans leurs actions. Ainsi a dit l'Éternel contre les prophètes qui font égarer mon peuple, qui mordent de leurs dents, et qui crient, paix, et si quelqu'un ne leur donne rien dans leur bouche, ils publient la guerre contre lui. C'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez point de vision, et elle s'obscurcira, afin que vous ne deviniez point, le soleil se couchera sur ces prophètes-là, et le jour leur sera ténébreux. Et les voyants seront honteux, et les devins rougiront de honte, eux tous se couvriront sur la lèvre de dessus, parce qu'il n'y aura aucune réponse de Dieu. Mais moi, je suis rempli de force, et de jugement, et de courage, par l'Esprit de l'Éternel, pour déclarer à Jacob son crime, et à Israël son péché. Écoutez maintenant ceci, chef de la maison de Jacob, et vous, conducteur de la maison d'Israël, qui avez le jugement en abomination, et qui pervertissez tout ce qui est juste. On bâtit Sion de sang, et Jérusalem d'injustice. Ses chefs jugent pour des présents, ses sacrificateurs enseignent pour le salaire, et ses prophètes devinent pour de l'argent. Puis il s'appuie sur l'Éternel, en disant, l'Éternel n'est-il pas parmi nous, il ne viendra point de mal sur nous. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera réduite en monceau de pierre, et la montagne du temple en haut lieu de forêt.